barrages après ils sont plus ou moins hauts. Celui-là je crois il fait 2m30 de haut, donc c'est la centrale de Cherménil. Donc on a le barrage qui permet de rehausser le niveau de l'eau pour la faire pénétrer dans le canal. Ensuite on a une passe à poissons qui est tout au fond là-bas, donc on va aller voir ce que... Donc là vous avez la passe à poissons, en fait les poissons arrivent par le bas comme ça et après ils sautent de chute en chute, parce que ça c'est des chutes qui peuvent traverser, qui peuvent surmonter. Je sais plus de tête mais je crois que c'est 30 cm. Et donc les truites remontent bassin par bassin, tac tac tac, pour remonter après et repartir en haut. Là c'est uniquement c'est pour avoir le débit réservé, c'est à dire que quand on fonctionne en crête de barrage, normalement il n'y a pas d'eau qui passe par dessus hein. Et donc c'est le fond de la goulotte ici et la passe à poissons sont dimensionnés pour qu'il y ait un débit bien fixé qui traverse et qui permette aux poissons de circuler et qu'il y ait quand même de l'eau dans la rivière. Voilà. Et donc toute la passe à poissons est dimensionnée pour que les truites puissent remonter. Et ça fonctionne puisque il y a des truites baguées qui remontent quand on retrouve au-dessus. Et même quand on ferme ici la passe à poissons, on retrouve des truites dans les bassins. Donc vraiment. Parce que c'est vrai qu'ici un poisson ne peut pas remonter le barrage. Même en période de crue, c'est compliqué.